Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Ndeko papa pe ndeko mama. Yo ozo vanda na Royaume-Uni. To ozo na ndeko na yo aza na Londres. Yebi saye libela. Agence de frais yango yo siye. Agence yaba professionnel avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Aux Anna Nord et Angleterre, Benga Bisuna 074 74 90 87. Yo Zamina Sud et Angleterre, Benga na 074 66 70 70 40. Van Ezoya Tinanda Kupona Koti Café Kozoa Kolina Yo. Olingi yo Tindani, Mutuka, Vélo, Carton, Biloko Yakolia, Pe Biloko Nyoso Yanda. Pas de problème. Cafrex otindi miliki na yo e komi pe bandeko na yo bameli. Agence Cafrex ezali pona kosunga moto nyonso. Kota na site web na biso www.cafrex.com pona ozwa ba information nyonso etali ba frais. Vraiment Cafrex c'est au-delà de l'excellence. Awa to longwe na no politique to solo la spiritualité. C'est très important. Pourquoi on a choisi le thème Oyo, blocage et Utakawapi. Nalingi, attention à Bino et à la soutenir Eloko Oyo. Ça peut aider. Parce que nous aussi, on nous a aidé. Nous avons expérimenté, nous avons trouvé que vraiment, c'est réel. Et puis, on nous a donné des tactiques de combat à Eloko Wana. Mingi, Oyo, Balingi, Kozala, trop mondele, baye bakale susote que pourquoi ça ne marche pas dans leur vie. Parce que on a tenté à vérifier que yeba makambo et tolingi toloba. Blocage. Na vie à moto, blocage. Et outa souvent, wapi. De quelle manière et yaka. Toza naba, façon ebele, oyo blocage et yaka na vie à moto. Un. Nao pesa, comment on koki ko banda ko sa l'exercice à partir de l'émission Oyo, ti yo koya ko découvrir blocage noyé zana niveau nini. Et loko ane reatakate, e zan denge wana. Et loko ane liboso, ata oza chrétien, ata oza musulman, ata oza bouddhiste, ata oza nini. Cheminement on a zo pesa, e fungo la kamutwa kene koye ba li kamweza wapi. Tant que vous avez dit que vous avez choisir, vous avez dit résoudre si tu es chrétien, si tu es musulman, si tu es bouddhiste, si tu es tout ce que tu es là, vous avez comment résoudre. Mais pour mieux dire, il n'y a pas mille façons de résoudre le Kwana que dans le Moko. Un, il faut zonga sima oyeba. Tribune à Bino. Et bandaki ndenge nini. Parce que ma tribu est belle dans l'histoire ndenge bandaki. Je peux vous donner un cas. Na village moko, bazare koela bokwenzi chaque fois bazo bunda tout le temps. Na ko bunda wana l'état meki kokota alonga ki likamwana te parce que bazo lubi eza ya misisa, eza ya bokoko. To koli na yango to komi na stade tozali. Bango moko tonga baye ko fanda. Mupaya moko ayaki ko tambre paye na bango. Atei bango ke faso bozo bunda, bozo silisa population na ko bunda, bozo boma bato. Faso bozali, bozo boma bibwele, bozo ko sabote bilanga, ça et ça, ça ne vaut pas la peine résolver ces problèmes. Ou bien, oh y a lié beaucoup de tout oyo. Après tribu oyo clan oyo, oyo musu yego kota va continuer. Mais basala qui d'accordé, si manayango, na kati na réunion, moko alobi bon. Lokola, biso toboy ba owa na baleka, bango ba boy biso toleka. Kaka yo yo zope se biso toli. Zala chef na biso. Comme ça, yo zala naître, parce que tribu na yo zaya awa te outi musika. Tango basololi na ye balobi tokutana sikoyo na butu pona ceremony na butu wana bayebisi ye bokonzeli ya makate na ndenge zokanisa kaka tango tolobi koza mokonzi esili epi tozomona ke soki yo koti na bokonzi oko o dirije biso bien me toko verifie na na minute oyo sala nanu musala pendant 2 ou 3 ans sima toko sorola na yo mutu wana asali musala atye bango d'accord mboka efuluki misala efuluki makambo nyonso ekomi bien après 3 ans baye kobenga ye chef yo dirige très bien mobulu esili autant otika la chef ya libela mais po otika la chef ya libela condition ezali condition nini pesa biso ba garso mibimba 5 ba fille mibimba ba vierge 5 pesa biso chaque espèce ya bibwele tozaka na ngo awa 20 20 20 20 20 20 comme ça to pesho bulu bokonzi pona libela ok ok maintenant azui na libota na ye 5 garçons apesi azui 5 filles apesi parce que azui gou ya koza la mokonzi 3 ans ou ya salaki ayoka kieling balobi tia maloba alobi na pesi bino ba jeune garçon na ba jeune fille eza ya bino ngai bopesi nga bokonzi na pesi bino na bibwele balobi ikende otikali mokonzi libela na libela soki osilisi mwana na mosusu akoza bokonzi bokozalaka ndenge wana bapresente bana wana na kati ya mistiki balobi bino bokenda bilima nyonso boza kuna totekeli ye bokonzi awa oyo tomonaka na miso mais avenir nde ye apesi biso ba jeune garçon oyo nde balingaki bazala bakonzi lobi vi na bango nyonso avenir na bango nyonso ya ba jeune nyonso bakouta epa na ye ekozala boye ba jeune fille ndenge moko na bozwi ce qui a fait que maintenant ye akufa atikela bamosusu ake baye kose retrouver que ba fille oyo babotamaka na ekolo wana babalaka me baumelaka na libala te ba garçon basalaka misala me babonaka bomengo te parce que chef na bino na moma wana afutaka bino lokola pri po azwa bokonzi nde moko kati na bana oyo aye koyeba likambo wana na moma amonaki vision balakisi ye qu'est-ce qu'il faut faire pour que bolongwa na alliance wana parce que tango asinyaki atunaki bino te mais quand même eye kosala que la Bible nous dit le Seigneur Dieu Jéhovah punit la première, la deuxième, voire la quatrième génération à cause des iniquités de vos parents. Il faut qu'otala ba parents na yo ba balana ki ndenge nini. C'est très important parce que la Bible déclare que ce qui est lié sur terre est lié au ciel. Na terre balobaki okokozwa mwana ya mutu boye pamba te bokoki kofanda. Il faut pesa mbongo ya libala ba famille mibale bafandi bayebi officiellement que yo balie wana soko boti bana oza dans la légalité bozofanda dans la légalité mais soki ozwi mwana ya bato bofandi pamba dote zalite faites attention diable ye ayebi ke baza irrégulier akokota akosakana na bana na yo akosakana na bino akosala nyonso alingi bablocage mosusu euta kuna. Troisième élément, il faut tala bapapa na bino na bamama na bino bipai na bango est-ce que bazalaki kobala correctement kosala pe misala correctement parce que ezalaka basigne fort oyo ekolakisa ke combat il faut na mene yango oyo okomona mutu obotami na couple ya papa na mama mais epai ya bapapa papa asalaka mosala ye moko tout le reste chômeur ou bien pas ma maman baba la kate kaka maman na yonde abali yeba que et loko wana eza signo fort et la kisio que tôt ou tard kati na bino moussous sa kokoma na blocage wana parce que biloko wana etambo la katambo la katie kouya koukouta ba oyo génération future ou vérifier comment yango na kaye tribune abiso et bandaka bwena bwena bwena bwena bakoko na biso bazalaki ba chef coutumier to te bazalaki na mentalité ni comportement ni et pas ba maman maman abali c'est presque bande kone ba bala o monique baza 8 femmes ba ye moko abali 7 ba bala te ye pa ki a un problème de ce côté là oyo e ko kiko ya ko retrouver yo et pas ba papa papa ye moko ndezo sala musala to sala kate ba ngonyo sala kate ye pa que l'esprit là ya chômage e ko lukabino c'est comme ça que on identifie blocage. Après Owana, oye ko kota sikoyo na yo moko. Na yo moko surtout est très important. Nanin. Mingi ba garçon okozo mwana ya mutu. Aza vierge o devierge ye o tiki. Ozi mususu ezo sale lengi o devierge o tiki. O devierge ebele. Na ko devierge mwasi makila ebimaka, c'est une alliance. Voilà pourquoi dans la Bible balobi oyo a divergé jeune fille a balié directement pour toujours pour yako divorcer na faut motif infidélité yako kote. Mais regardez vina yo o divergé combien. Deuxième vidéo oya na chaque étape comment qu'on sala pour que tolongwa na malédiction wana nde sala ka blocage na biso et belé a déverger jour ya kobala ke ko luka vierge de sus ba oyo tiki otikeli nani po ba sala banani ba vivre vinini et que d'une manière spirituelle ba za nyonso lié na yo yo za lié na bango. Ato yuko bala vierge moko sikoyo vina yo ezalaka liye sika oyo delie yao ezana mususu na minito ya zoko yoka ngayi makamuneza kotambo late soki otsali examen de conscience otrouve ke obebi sa mwana batu quelque part otika ye ata ye moko a reklama kate sala tu rencontre ye solo yana ye senga pardon abimisa maloba ya pardon pasteur moko ya malonga ya bien asabela pona likambwana bongisa yango ba mususu ba bongisa na kokende kopesa ta dot mobimba afuti parce que ngane na baby sakie mais soki aza déjà marié quelque part sagesse sala kokende ngulu ngulu te mobana ya koyeba bongisa ngo na se musali moko ya nzambe asalisa yo ou bien mutu moko ya tribuna yo oza na sagesse oluka ko bongiselo ko wana polien ekufa yango no mona kata mutu akufeli mwasi to mwasi akufeli mubali avaba kunda mususa kota na mabele balongola ka alliance balobaka maloba ke ko bandale lo bozali susu mubali na mwasi te po yo kufi eseni so basali yango te mubali atikala kana nzoto ekoya ko salo yo ba blocage bele na vi ba sous ce blocage yango wana la jeunesse surtout bino ba tu ya diaspora ba koma na mindele mindele mususu eko sala ba rapport sexuel na kati ya mai yo peo yao na mai ya pembe oko sala ndenge moko na minito na zolo ba bana ebele ba zaya ko lié ba sala ka biloko wana na ba mai yo ezala ka kuna ya mai ya pembe na mususu ba benga ka soki maestro za nini bakenda kebe ebele bakoti na mai na ba piscine ba benga ngo Simon Plaza ebele bakenda kakuna ko sala rapport sexuel na kati ya mai ko sambrase na kati ya mai mai ezala kana ba esprit ba reine de mer ba esprit ya mai soki kangi mutu ezaka difficile kolongola ezala kana difficulté très énorme alors bakokende na mai baza ko sala ba relation kuna na mai baza ko sakana na mai bango bamoni yango elengi bepi Satan na momana pesa kelenge makasi et si kablokage ebele bandi ba jeune fille na jeune garçon ezawana ba mususu bakendaka kozwa blocage na kosalaka amour na forêt bakoti forêt bakimi ba mususu bakomi na zamba basali ba relation sexuelle kuna. Les esprits des forêts le sont très redoutables pour la Kolongola. Au moment où batu mususu po ayeba makamuna zoloba akoki ko réaliser que chaque fois ça la kandoto au moment azaka na zamba. Mususu chaque fois au moment na mai. Parce que ce qui aux yeux moi c'est babengi femme de nuit mais azaka ya mai. Ça la est fort. Ba longola tikala na mai. Sobozi Marie de nuit mais wazala ya zamba ça la est fort okoya komona ke bitumba na yo olotaka ba animaux féroces yeba ke ozala katia blocage bunda makasi kolemate prier suffisamment zala na ba bonne action zo mené pour que olembisa melimo wana un jour ekende ezala mamususu bazo blocage dans la vie basala ka masturbation. Tant que vous avez la masturbation, vous avez invité femme de nuit, mari de nuit, vous avez une relation sexuelle. Une relation sexuelle anale. Nassima. Et bien, vous avez chargé à Bango Makasi. Tant que vous avez vu, mais le processus était à Kolongola Moli, à côté de ça, à côté de ça, à côté de ça, à côté de blocage. Au côté de mon famille, je suis à côté de ça, je suis à côté de ça. Blocage. Asala ki alliance na bisika kende ki kosale la makamu nyonso. Mususu a profita presence ya bapara ba asala ki te ba kende ki misala azu kopine na ye asala ne rapport sexuel na ndako wa bapara. Blocage e utaka wana. Mususu ya munene makasi eza très terrible asala kende kozwa mwasi ya mutu asale na ye ekobo. Bible zoloba bato yo basali loko wana boma bango nyoso mibale. Vous n'êtes pas encore tué, vous êtes encore en train d'exister dans un blocage terrible. Moi si a muto ke kozo mingi basali biloko wana bayeba kateke ti minute oyo blocage na bango ezana biloko na retracer na ligi na umelate. Domaine spirituel est à quoi sakana na angote, na niga kinde boyeba, bosa l'exercice oyo, mbala esema tokutana, étape par étape, comment basa la kapona kolongwa, et si kanga na kosukela, maela na ngako expérience na ngako sukela, bo luke pa batu mususu ba yebi, ndenge basa la ka, po longwa na iloko wana, pour que ba nozo bota, basa le susu te na pas yo zoko mona, très souvent, eza owana, enfin. Mon sous blocage est outina. Mawa oyo. Yo sala kam sala. Goza mawa mingi. Ya kosali sa babola. Mawa mingi. Na kosali sa. Batu oyo. Tam sous sa zavek. Na zana handicap songolo. Avant okende ko pesa batu wana. Sambela. Parce que. Na mona mwasi ale ki nangai. Kolia kitoko. Kolata kitoko. Famille za stable. Muke muke komana limo na ke église. Muke muke limo na ke église. Zoka kenda ke église te. Un jour eko salak. Tozoleka. Pendant que petit frère zo souffrir makasi akokufa lelo akufa lobi. Tomo na batu ebele bazo salisa mutu moko boye. Eh mawe, eh mawe. Tana ndinga zawa na mwana mwana bebe a anjambe. Salise bo sangisa mbongo bo pesa ye. Tango biso to yeko ko oh. Yozo sala ninya. Yoka reaction ya mutu mwindu. Uli ya verifiye kwa yebeza nini. Kadyo mbolongwa na yo. So boy na yoko pesa. Bino bozala bambongo ya biyeke. Bambongo ya basi ansoklita. Angozo boy ya kosalisa mbola. So boy ile kana yo. Prese. Uli ya yoka. Pourquoi j'insiste ya kuatake. Mwa mwa shoyo. Tangu na bime. Uzo bozo insiste pourquoi. Bino bozala akabo. So boy ibole kana. Bino bite. Tango na bengi fi na kombo na ye. Tango moni pe bebe ayoki ya tani ngai bebe ayembango nga naza papa kulutu na memi bebe nde ba fante kimia ah siko ezandengeni na robi mobali na yeye yo totuni yo yo est-ce que yo za pauvre est-ce que moi no yo za pauvre to telemi to insiste arobi boli mbisangai kobela mobali nga zobela basenga kina bomaye lokora na kindoki na boya ki akufa nde balobi na sala tuna kanga bozu ya batu soki na kokisi 5000 personnes o na kangi bozu na bango na pesi na kindoki nde bakotika mbali na ngaza na bomoi batu nyoso basala ki wana zongi sambongo siko ko yeba ndenge nini ke bambongo nyoso bopesa ki biye ya yo zao yo mais dans l'entretemps ba mususu bazala ki presse ba finga ki nga baliki ba kei ba finga ki pe mbali na yete ndozo ko insiste ba kei ba zwa ki tante ya koye ba keo ya zanani c'était notre propre belle sœur à l'heure qu'il est mon petit frère existe mokolo akolinga a témoigné expérience na ye parce que si abali mwasi mususu a se boti na bana il continue sa vie et viendra vous le dire chaque chose olingi osala na vie bola munyoso lingyo sala sambela réellement c'est la grâce en Zambe la plupart des temps et qu'on s'en a moutou moko la ti propre bien nde ou pesi kiti ye ba bible lo bango mais ou ya salité ou néglige ye nzoko ya la ti bi ya sali nyoso nde mou bomi discernement prière pesa ou possibilité à vous découvrir blocage ya batebele outina bisenga senga bana na kishasa basenga ka pamba pamba parce que moni papa senga ka mama senga ka yepa zo senga siko batumusus bakena monde mystique po bakoma ba riche ba yisi bango kangela biso bana ya boye na boye akoya zo le kananzela kabelanga apesi ah ye apesa ka ba mama bazo kubisa apesa ka me akangi bango nyonso que Dieu vous bénisse bon weekend Ndeko papa pe ndeko mama. Yo ozo vanda na Royaume-Uni. To ozana ndeko na yo azana Londres. Yebi saye libela. Agence de frais yango yo esieye. Agence yaba professionnel avec de diplôme universitaire ya Royaume-Uni. Ozana nord ya Angleterre. Benga biso na 074 74 80 10 87. Yo ozo ami na sud ya Angleterre. Benga na 074 66 70 70 40. Van Ezoya tinanda kupona koti kape kozwa koli na yo. Bolingi yo tindani, mutuka, velo, karton, biloko ya kolia, pe biloko nyoso ya ndako. Pa de problem. Kafrex otindi miliki na yo e komi pe bandeko na yo bameli. Agence Kafrex ezali pona kosunga moto nyoso. Kota na site web na biso www.kafrex.com pona ozwa ba information nyoso etali ba frais. Vraiment, Cafrex, c'est au-delà de l'excellence.